Bonjour et bienvenue dans votre horoscope du 5 août 2024. Bélier, Mars et Jupiter continuent de vous soutenir. Alors osez affronter les obstacles sans crainte de l'échec. Vous n'avez plus aucune excuse. Dans les relations, des malentendus risquent de ternir votre image de marque et cela vous chiffonne. Patientez et clarifiez les choses avec humour et bienveillance, toujours. Taureau, l'ambiance estivale vous enivre tellement au point de déraper financièrement. Alors écoutez le vieux sage nommé Saturne qui vous rappelle un petit peu à l'ordre. Dans les relations, dès lundi, Vénus en Vierge renforce la complicité avec vos enfants et votre famille. Profitez de ces moments pour organiser des activités ensemble, par exemple. Gémeaux, Mars, Jupiter et le Soleil boostent votre esprit d'entreprise. La chance vous sourit, elle vous suit comme une ombre fidèle. Profitez-en pour lancer de nouveaux projets, c'est le moment. Dans les relations, Mercure rétrograde dès lundi et veillerez donc à rester humble et à écouter les conseils de vos proches pour éviter les complications. Cancer, dès lundi, Mercure vous enjoint de faire preuve de rigueur dans la gestion de vos finances. Soyez donc méthodique et attentif aux détails pour éviter les imprévus. Dans les relations avec Vénus en Vierge, vous avez moins de difficultés à vous laisser envahir par les émotions. Votre flegme plaît. Lion, Mars, Jupiter et le Soleil sont des atouts dans votre jeu. Utilisez-les judicieusement pour maximiser vos opportunités et ne vous lancez surtout pas tête baissée. Dans les relations, l'été vous flatte, mais Mercure rétrograde dès lundi pour entraîner des mésententes. Alors comptez sur un petit cercle d'amis intimes pour vous sécuriser. Vierge, Saturne, Mars et Jupiter vous secouent pour défendre vos privilèges. Sachez que votre pugnacité peut venir à bout de tout. Dans les relations, dès lundi, Vénus s'installe dans votre signe. Toutes les formes d'amour sont privilégiées, alors éclatez-vous, que ce soit en famille, entre amis ou entre amants. Balance, financièrement redoublez de vigilance, sortez votre radar, sachez reconnaître et éviter les pièges des beaux parleurs. Dans les relations, Mercure rétrograde dès lundi pour entraîner des rendez-vous manqués ou des quiproquos divers. Vénus ne vous sauve pas la mise non plus, alors reposez-vous dans votre coin, tout simplement. Scorpion, en congé ou non, restez attentif concernant vos finances. Ne creusez pas de trous béants dans votre budget initial. Dans les relations, Vénus et Mercure encensent vos échanges amicaux, vos projets de couple et les discussions enrichissantes. Partagez vos idées et veillez à bien écouter les autres également. Sagittaire, Saturne ralentit votre impulsivité et c'est bien. Vous pouvez aller très loin dans vos ambitions si vous les écoutez. Dans les relations, dès lundi, Vénus en Vierge et Mercure rétrograde génèrent des frustrations et des risques de complications dans vos relations affectives. Ne tentez pas le diable, ce n'est pas le moment. Capricorne, Mars et Jupiter vous encouragent à saisir des opportunités professionnelles qui se présentent. Restez à l'affût mais réfléchissez avant d'agir pour éviter les erreurs. Côté relations, dès lundi, Vénus en Vierge vous rassure. On prend soin de vous, vous êtes vernis, alors donnez aussi davantage. Verseau, vous ne manquez pas de toupet pour obtenir ce que vous voulez au travail ou dans vos pérégrinations. Restez un peu méfiant concernant les affaires, ceci dit. Dans les relations, Vénus et Mercure risquent d'entraîner des frictions et des difficultés relationnelles. Fuyez ceux qui vous cherchent des poux. Poisson, Mercure vous impose de redoubler de prudence concernant les engagements, les signatures, les contrats, les affaires. Côté relations, Vénus vous envoie des ondes d'amour. Profitez donc de votre temps libre pour revoir, par exemple, des parents éloignés ou pour passer des moments privilégiés avec vos enfants. Voilà, c'était votre horoscope de la semaine et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles prévisions.